m'a dit vas-y fonce ou finis dans la fosse. On m'a dit vas-y pense aux actes et aux causes. On m'a dit vas-y trace quand je lui sont venus. Maintenant tu me demandes j'ai tos. Putain envoie le bif qu'on se casse. Faut passer aux actes et aux conséquences. C'est quand t'as besoin que les gens se cassent. Elle se rend sans toi la grosse séquence. Je n'ai pas de chance comme mon loto poto. Faut faire du bif et y'a un auto. On m'a dit ouais vas-y mollo. La concu ne peut plus follow. On est des sales gosses et on nique l'état. Ramène ta go prêt pour la vendetta. Quoi bâtard tu vas payer la cuenta. C'est chez nous la merde et cela à plein temps. Oh mais par mes souvenirs je suis tatoué. Ils font que tu le nies qui fait le gentil. Mais il t'a troué. Je me rappelle l'époque où il y avait personne écroué. Je remonte sur un plan si le précédent il a échoué. On m'a dit nous devons en effet de peine de haine. On m'a dit non plus pas de la vodka dans le club. On m'a dit y'a que des folles et fait ma teuf. On m'a dit pas à moi tes teufs. Y'a des balances dans le club, déchirez-les. Y'a des balances dans le club, déchirez-les. Y'a des balances dans le club, déchirez-les. Déchirez-les, déchirez-les. On m'a dit Bill Kawal like ton groupe, il va péter. Si te pute parle pas sur nous dans le groupe, y'a tout le monde qui s'est fait péter. J'aime tellement plus les boucaps, j'fais même pas mes ballons sur scène. On est pas dans le X, mais en tout cas, nous on arrive pour vous faire sucer. On m'a dit, moi j'écoute parler, on m'a dit. On arrive, on vous terrorise, calibré que fait sur la tête comme au Mali. Tu m'as dit, j'y pète l'anus, au final tu payes ta note. Tu payes ta note, au Maroc et la lune de miel c'est toute l'année. Sur chaque son, tu veux me follow dans tous les cas, klaxon. On vole trop, la rue c'est pas Patton. Elle fait pas de cadeaux, jeu de grammes et pas de bol. Tu te fais sodo. On m'a dit nous devons en effet de peine de haine. On m'a dit n'en plus pas de l'avocat dans le club. On m'a dit y'a que des folles et t'aimes la teuf. On m'a dit pas à moi tes teufs. Y'a des balances dans le club, déchirez-les. Y'a des balances dans le club, déchirez-les. Y'a des balances dans le club, déchirez-les. Déchirez-les, déchirez-les. On m'a dit viser le sommet. Dans ma tête y'a que des sommes. La nuit j'en perds le sommeil. Genre une feuille, j'gratte son mom. Ghetto fait number one. C'est la frappe qui est à ma villa. Bomba, go fast, tes max. Sors le neuf et enfile le pare-balles. On m'a dit que la street c'est pas haut, nigga. J'vois toujours la vie en rose. Ghetto, j'l'appelle à sec comme la putain de salope de cake monstre. Négro, on m'a dit le GP envoie les gaz. Derrière les barreaux, ça mène son à balle. C'est pour l'enterre, les beaux mettre lunettes à l'ombre. Là c'est ghetto fait qui vous passe au salam. Y'a plus de boss, y'a plus de boss. On pose nos coups sur la table comme des padres. 2014, on revient déterminé. Seuls les putes vont faire la queue pour me l'astiquer. Y'a plus de boss, y'a plus de boss. On pose nos coups sur la table comme des padres. 2014, on revient déterminé. Seuls les putes vont faire la queue pour me l'astiquer. Y'a des balances dans le club, déchirez-les. Y'a des balances dans le club, déchirez-les. Y'a des balances dans le club, déchirez-les. Déchirez-les, déchirez-les. Quand j'attaque, j'ai les crocs depuis Nino. Au réseau, rock la vague, rip ou flic, in home. D'un faux plafond, des plaques, de l'or, des sous, ils volent. Fuck, sors pas, y'a les flics, in home. Je défends, j'attaque, j'ai les crocs depuis Nino. Au réseau, rock la vague, rip ou flic, in home. D'un faux plafond, des plaques, de l'or, des sous, ils volent.